بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. On continue aujourd'hui, inshallah ta'ala, cette série de cours concernant la lecture et l'explication du livre de l'unicité par l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Et on était arrivé à la parole de l'auteur, Babu Maja'a fi al-Sihr, le chapitre concernant les textes liés à la sorcellerie. Ici, l'auteur, rahimahullah, dans ce chapitre qu'il va aborder, il va nous citer des textes qui montrent le caractère dangereux de la sorcellerie et la sentence donc, qu'ont appliqué les compagnons, la sentence donc, que les compagnons ont déterminée pour les sorciers. Et le lien qu'il y a entre ce sujet et le livre, c'est tout simplement, chers frères, barakallahu fikoum, que la sorcellerie, il y a dans la sorcellerie, on a déjà vu précédemment, il y a deux formes importantes de sorcellerie. Il y a une sorcellerie qui fait sortir l'individu de l'islam, qui le fait apostasier. Et cette sorcellerie, c'est la sorcellerie qui est liée au diable, le fait d'œuvrer avec les diables, car la personne, pour œuvrer avec les diables, afin que les diables lui donnent ce qu'elle veut, la personne sera dans l'obligation d'accomplir des actes de mécréance. Et donc cette sorcellerie, elle fait sortir de l'islam chez les Imam al-Arba'a, chez les quatre imams des écoles de jurisprudence connues. Et il y a une autre forme de sorcellerie qui est, clairement, c'est donc une grande transgression, un grand péché, mais cette sorcellerie ne fait pas forcément sortir de l'islam, c'est le fait d'utiliser des potions, des antidotes, sans forcément, qui sont enivrantes, sans forcément passer par les diables. Cette sorcellerie ne fait pas forcément sortir de l'islam, mais si la personne voit que, ou dit que cette sorcellerie est licite, alors là, la personne sort de l'islam, car elle aura rendu licite ce qui est connu, donc ce qui est formellement connu, ce dont son caractère illicite est connu de tous les musulmans. Et donc la sorcellerie, barakallahu fikoum, est un danger pour la religion, puisqu'elle fait les individus sortir de l'islam. C'est un danger pour la raison, puisqu'elle va s'attaquer à la raison de la personne, afin que la personne s'éloigne de son époux ou de son épouse, ou que la personne aime une personne qu'elle n'aime pas, etc. Et donc la sorcellerie va s'attaquer à la raison aussi. La sorcellerie peut aussi causer la mort de certaines personnes, et aussi la sorcellerie va s'attaquer aussi à l'honneur, au bien des gens. Et donc la sorcellerie va toucher ce qu'on appelle al-darurat al-khams, les cinq nécessités que l'islam vient protéger. L'islam vient protéger cinq nécessités, et la sorcellerie va s'attaquer à ces cinq nécessités, ces cinq éléments. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de comprendre le danger de la sorcellerie, et qu'il est important d'en parler dans ce livre, Kitab at-Tawhid, le livre de l'unicité. Et d'ailleurs, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit comme dans son livre Al-Umm, il nous dit: إِذَا تَعَلَّمَ السِّحْرَ قُلْنَا لَهُ سِفْ لَنَا سِحْرَكَ فَإِنَّ وَصَفَ مَا يُجِبُ الْكُفْرَ مِثْلَ مَا اَعْتَقَدَهُ أَهْلُ بَابِلْ مِنَ التَّقَرُّبِ إِلَى الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ وَأَنَّهَا تَفْعَلُ مَا يُلْتَمَسُ مِنْهَا فهو كافر وإن كان لا يجيب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. Et donc l'imam al-Shafi'i rahimahullah, il nous dit, lorsque la personne apprend la sorcellerie, alors on lui demande: décris-nous la sorcellerie avec laquelle tu travailles. Alors s'il nous montre ce qui implique la mécréance, comme la croyance qu'avaient les gens de Babel, donc c'est-à-dire les gens de Babylone, c'est lorsque ces gens-là donc se chercher à se rapprocher, à faire des actes d'adoration pour les étoiles, pour les sept étoiles, et que ces étoiles-là donc faisaient ce que les gens voulaient et demandaient à ce moment-là. Alors s'il fait cela, celui-ci est un incroyant. Mais par contre, s'il fait ce qui n'implique pas la mécréance, mais par contre, qu'il a la certitude, qu'il a la conviction, qu'il a la croyance que ce qu'il fait est licite, alors, là aussi, c'est un incroyant. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite un verset, il nous cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et donc il nous cite cette parole, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et certes, ils savent pertinemment que celui qui choisit d'acquérir celui-ci, donc ce pouvoir, la sorcellerie, la magie, alors il n'aura aucune part dans l'au-delà. Ici, on va lire le verset, Inch'Allah ta'ala, entièrement. Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit dans son livre, « وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. » Et certes, ils ont suivi ce que les diables disent concernant le royaume de Suleyman. Mais Suleyman n'a pas mécru. Cependant, ce sont les diables qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Ils enseignent aux gens la magie. Ainsi que ce qui a été descendu aux deux anges, Harout et Marout, à Babylone. وَمَنْ يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et ils n'enseignent celle-ci, c'est-à-dire les anges, ils n'enseignent celle-ci, cette sorcellerie, cette magie, ils ne l'enseignent à quiconque avant de lui dire, certes, nous sommes une épreuve, alors ne m'y crois pas. Alors ces gens-là donc, vont apprendre d'eux ce qui va leur permettre de séparer l'homme de son épouse. Mais ils ne font du tort à quiconque par celle-ci. Ils ne font du tort à personne sans la permission d'Allah. Et en réalité, ils apprennent ce qui est un mal pour eux et qui ne leur est pas profitable. Mais ils savent pertinemment que celui qui choisit, donc, comme on a dit précédemment, qui choisit d'acquérir ce pouvoir, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Et quelle donc mauvaise, donc et comme est mauvais, comme est vil, ce pourquoi ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient, si seulement ils savaient. Il y a dans ce verset plusieurs points importants. C'est premièrement donc l'innocence de Suleyman quant aux accusations des incroyants et le fait que Suleyman n'a pas utilisé la sorcellerie ou la magie, mais que ce sont les diables qui faisaient cela. Il y a aussi dans ce verset le fait que la sorcellerie, c'est quelque chose de concret et de réel qui va avoir un impact sur le corps et sur le cœur des gens. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit, fait yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayn al-mar'i wa zawji. Et ils vont apprendre de ces deux-là, donc de ces deux anges, ce qui va les permettre de séparer l'homme et son épouse. Et donc la sorcellerie, c'est quelque chose de concret, de réel. Même si aujourd'hui, avec la propagation de l'athéisme, les gens, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en la sorcellerie, en la magie. Et qui pensent que tout cela est irréel, un mensonge. La propagation de l'athéisme va entraîner donc un laxisme chez même les croyants. Donc les croyants donc, ils voient que c'est devenu quelque chose de banal, c'est propagé. Et donc ils vont même eux être laxistes dans cela. Et ça c'est fortement blâmable. Et parmi les éléments qui montrent que la sorcellerie c'est quelque chose de concret, il y a ce qui est cité dans Sahih, le recueil de Bukhari et Muslim. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a été touché par la sorcellerie. Selon Aisha radhiyallahu anha qui dit Sahara Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam rajulun min bani Zurayq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam hatta kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu ash-shay'a wa ma fa'ala. Aisha radhiyallahu anha qui dit que un homme de Beni Zurayk a ensorcelé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que son nom est Labid ibn al-A'sam. À tel point que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pensait avoir fait quelque chose alors qu'il ne l'avait pas fait. Et bien entendu, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été touché par la sorcellerie, cela n'a pas d'impact sur la révélation. Car Allah tabaraka wa ta'ala l'a protégé concernant la révélation, mais concernant, concernant la sorcellerie, alors c'est un être humain, concernant les sujets mondains, il pouvait donc, sallallahu alayhi wa sallam, se tromper, etc. Mais concernant la révélation, alors non, car Allah tabaraka wa ta'ala l'a protégé. L'auteur qui nous cite aussi, rahimahullah, la parole d'Allah, « Yu'minuna bil jibti wa tarut » Il croit au jibt et au tarut. Ceci est en réalité donc une partie du verset quand Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit « Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wa tarut » Ne vois-tu pas ceux qui ont eu une part du livre et qui croient au jibt et au tarut ?» قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. Et donc Omar رضي الله عنه qui dit الجبت c'est la sorcellerie et الطاغوت c'est le شيطان, le diable. Et donc ces gens-là ils ont cru à la sorcellerie ainsi qu'au طاغوت malgré le fait qu'ils aient un livre, malgré le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait fait descendre sur eux un livre. Et ça, il y a en cela barakallahu fikum, le fait de mettre en garde le musulman, ne pense pas que parce que tu as accepté certains éléments de l'islam, que cela veut dire que tu vas forcément rester musulman. Et ce n'est pas parce que tu as le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ta voiture, dans ta maison, que ça veut dire que tu ne vas pas sortir de l'islam. Et donc il est important qu'on prenne conscience de cela. Ces gens-là, ils ont cru. Allah, il a clairement dit « Yu'minuna bil jibti wa tarut » Ils croient au jibt, la sorcellerie ainsi que au tarut. Et donc ils ne croient pas en Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'ils ont eu une part du livre. Et donc le musulman doit se méfier de la sorcellerie. Ensuite il nous dit, rahimahullah, wa qala Jabir, at-tawaghit kuhan, kana yanzilu alayhim ash-shaytan fi kulli hayyin wahid. Et donc l'auteur qui nous dit, et Jabir, il a dit, les tawaghit sont des voyants. Shaitan, le diable, descendait sur eux et il y a dans chaque quartier, il y en a un. Et donc ici, Jabir radiallahu anhu, il nous a expliqué le mot At-Tarut avec le pluriel ici At-Tawarit. Il nous a expliqué le mot At-Tarut avec un exemple. Il nous dit donc, attention, ce n'est pas toute l'explication du mot Tarut. Ici, il nous montre un exemple de ce qui est voulu par At-Tarut. Et donc, il nous dit que ce sont les voyants. Et donc, on comprend, cher frère, barakallahu fikoum, que les voyants, ils travaillent avec les diables. Comment est-ce que le musulman, comment est-ce que le croyant peut aller voir ces gens-là qui travaillent avec les diables? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, « Inna ja'alna shayatina awliya'a lilladina la yu'minun » Certes, nous avons fait des diables, des alliés pour ceux qui ne croient pas. Comment est-ce que le croyant peut aller voir ces gens-là? Comment est-ce que le musulman peut délaisser le fait d'invoquer son Seigneur, son Créateur, lorsqu'il a des problèmes et des difficultés, et ensuite aller voir des diables, aller voir des gens qui travaillent avec des diables? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, « Qul amara rabbi bil qisto » Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'u Allah mukhlisina lahu ad-din. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Dit, mon Seigneur a ordonné la justice et que vous vous dirigiez, donc que vous accordiez à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif dans vos prosternations et que vous invoquiez Allah exclusivement, comme de la même manière qu'il vous a créé, premièrement, alors vous allez retourner. Il y a une partie dont Allah tabaraka wa ta'ala les a guidés, fariqan hada, et certains qui méritent l'égarement. Ils ont certes pris les diables comme alliés en dehors d'Allah, et ils pensent être bien guidés. Et ils pensent être bien guidé. L'auteur qui continue, rahimahullah, qui nous dit, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, ijtanibu sab' al-mubiqat. Et donc, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, éloignez-vous des sept péchés capitaux. Qalu ya Rasulallah wa mehun. Il dit, ô messager d'Allah, et quels sont ces péchés, quels sont ces sept péchés capitaux? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ash-shirku billah, l'association à Allah, le polythéisme, was-sihr, ainsi que la sorcellerie, wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq, et le fait de tuer ceux que Allah a interdit de tuer, wa aklu ar-riba, le fait de prendre de l'usure, wa aklu mal al-yatim, le fait de prendre manger l'argent de l'orphelin, وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَفِ, le fait de fuir durant une bataille, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, et le fait de taxer les croyantes innocentes et chastes, le fait de les taxer de fornicatrices. Voilà les sept péchés capitaux qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui a été cité par l'imam al-Bukhari et muslim dans le recueil As-Sahihayn. Et déjà, il faut comprendre que, barakallahu fikoum, les grands péchés ne sont pas que du nombre de sept. Il n'y a pas que sept grands péchés. D'ailleurs, il a été cité de manière authentique. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit « Hiya lissaba'ina akrab » Elles sont plus proches, les grands péchés, ils sont plus proches des 70 que des sept. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a cité ici spécifiquement sept. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a que sept. Les grands péchés, donc ce sont tous les péchés qui sont liés à une sentence ici-bas ou un châtiment dans l'au-delà où Allah tabaraka wa ta'ala ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont cité la malédiction concernant celui qui fait ce péché, la malédiction d'Allah qui s'abat concernant celui qui fait ce péché, ou alors la colère d'Allah, le feu, etc. Ces éléments-là qui vont montrer que ce péché fait partie des grands péchés. Et donc on voit ici dans ce hadith que la sorcellerie fait partie des grands péchés. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il a cité la sorcellerie juste après le polythéisme. Alors que le polythéisme est le plus grand péché, et ceci par l'unanimité des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la sorcellerie juste après le plus grand péché. Et ça nous montre encore une fois la gravité de cet acte, la sorcellerie. Alors comment pouvons-nous nous taire quant aux sorciers? Il n'est pas convenable de se taire. Je l'ai dit encore, les gens font preuve de négligence quant à ce sujet. Et quand je dis les gens, je ne veux pas dire que les musulmans, même les non-musulmans. Les chrétiens, dans la Bible, la sorcellerie, la magie, c'est interdit. Mais pourtant, aujourd'hui, alors qu'on est en Martinique, dans un endroit où le dimanche, les églises sont pleines, il y a une forte négligence quant à ce sujet. Les gens nous parlent de quinbois, de si, d'un jeune qui faisait du mal à quelqu'un, que son grand-père est allé voir un sorcier. Tout le monde propage ça, normal, comme si de rien n'était, et les gens vont blâmer le jeune par rapport à ce qu'il a fait. Bien sûr que c'est blâmable si cette histoire est vraie, mais par contre, on ne blâme pas le grand-père qui allait voir un sorcier. Et ça montre la négligence que les gens ont quant à ce sujet, la sorcellerie. C'est devenu quelque chose de banal. Il n'est pas convenable que le musulman rentre dans cette banalité. Non! Nous devons expliquer aux gens les dangers de la sorcellerie. Nous ne devons pas faire preuve de négligence. Et c'est pour cela que nous n'allons pas nous taire. Bi'idhnillahi ta'ala. Que les gens l'aiment ou pas, nous n'allons pas nous taire concernant la sorcellerie. Bi'idhnillahi ta'ala. Et nous allons persister et continuer dans le fait de conseiller les gens et aussi de conseiller ces gens qui s'affilient à la sorcellerie afin qu'ils délaissent cela et qu'ils se repentent à Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit « An jundub marfu'an »« Haddu sa'iri dorbatun bis seif »« Rawahu al-Tirmidhi wa qal »« As-sahihu annahu mawquf » Et donc selon Jundub, qui attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit la sentence du sorcier est le fait, et donc le fait qu'il soit frappé d'une épée, donc le fait qu'il soit exécuté, rapporté par At-Tirmidhi, qui dit que ce qui est juste, c'est que ce hadith est mawquf. Mawquf, ça veut dire que c'est la parole du compagnon, mais ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certes, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a expliqué que l'attribution de cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas correcte. Ensuite, il nous dit l'auteur rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari an Bajala ibn Abada قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن اقتلوا كل سائر وسائرة قال فقتلنا ثلاث سواحر. Et donc dans Sahih al-Bukhari, selon Bajala ibn Abada, qui dit que Omar ibn al-Khattab رضي الله عنهما a écrit, donc là ici le gouverneur, il a demandé, il a écrit que il a prescrit qu'on exécute tout sorcier et toute sorcière. Et donc, il dit donc le narrateur, alors nous avons exécuté trois sorciers. Donc ce hadith-là, l'auteur qui nous dit qu'il est dans Sahih al-Bukhari, certes oui, la base du hadith est dans Sahih al-Bukhari, mais la narration qui est dans Sahih al-Bukhari, elle ne fait pas allusion au fait donc, d'exécuter le sorcier. Et ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, cependant, cette narration, elle a été citée ailleurs. Cette narration, elle a été citée ailleurs que dans Sahih al-Bukhari. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui nous dit « Wa sahih an hafsa annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharatha fa kutilat » Et certes, « Wa kadalika sahih an jundub » Et donc, il nous dit l'auteur, rahimahullah, il a été rapporté de manière authentique que Hafsa, elle a ordonné qu'une sorcière qu'il avait ensorcelée soit exécutée, et celle-ci fut exécutée. Cela a été donc rendu jugé authentique par l'imam Ahmed ainsi que Ibn al-Qayyim et Ibn Kathir. Et l'auteur il nous dit que cela a été aussi rapporté de manière authentique de Jundub. L'imam Ahmed, rahimahullah, qui dit عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Cela a été rapporté de manière authentique venant de trois des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Le fait d'exécuter les sorciers. Et donc le fait que cette sentence fut avérée des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, cela montre comment cet acte était mauvais et blâmable chez ces gens-là, chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne l'application des sentences, alors ce n'est pas à nous, comme je le dis plusieurs fois et comme je l'ai répété, je ne cesse de le répéter, l'application des sentences, ceci c'est un sujet qui concerne le gouvernement. Que tu sois dans un pays musulman ou non musulman, ce n'est pas à nous de venir et d'appliquer et donc d'imposer une quelconque sentence. Mais c'est celui qui a pris la responsabilité d'être gouverneur, c'est à lui de faire cela, d'appliquer les sentences, que ce soit l'exécution ou l'emprisonnement ou autre sentence que le gouverneur aura choisi. C'est à eux d'appliquer les sentences et pas à nous. Ok, d'accord, mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors nous pensons au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi » Celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change de sa propre main. Ici, cela concerne la personne qui a une forme de celui qui a une autorité. Et donc ici, c'est le gouverneur. C'est lui qui a l'autorité et qui doit faire appel aux forces de l'ordre pour arrêter les personnes qui sèment le désordre. Ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait « Illam yastatir fa bi lisanihi wa illam yastatir fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman » Et si il ne peut pas, donc celui qui voit un mal, et s'il ne peut pas le changer par sa main, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur, et ceci est le plus bas degré de la foi. Et donc, on comprend quoi de ce hadith, barakallahu fikoum, c'est qu'il n'est pas normal que les gens se taisent. Il n'est pas normal que les gens se taisent. Mais les gens doivent montrer le danger de la sorcellerie. Certains aujourd'hui nous ont parlé du danger de la sorcellerie sous prétexte d'une accusation, d'une histoire de joueur de football, etc., etc. Ah, c'est aujourd'hui qu'on vient parler de sorcellerie parce que aujourd'hui c'est rentré dans le monde du football. Il y a combien de personnes qui ont été victimes des sorciers? Combien? Et donc il n'est pas normal que les gens soient négligents dans ce sujet. Et on comprend clairement dans ce hadith que la base, c'est le fait de réprimander les sorciers, le fait de blâmer cela avec nos langues et de mettre en garde contre le danger de la sorcellerie, de mettre en garde contre le méfait des sorciers. Mais que la base, ce n'est pas le silence. Aujourd'hui, les gens ont inversé les choses. Ils disent la base, c'est le silence. Et celui qui parle sur le sorcier, il n'a pas de sagesse. Il n'est pas sage. Barakallahu fikoum. Ici, on aborde un sujet qui concerne la base de la religion. Il n'est pas normal de ne pas conseiller des sorciers. Une personne que tu vois régulièrement qui vient à la mosquée et qu'on soit là, silencieux, il rentre à la mosquée et il ressort de la mosquée comme s'il n'a jamais rien fait et comme si nous, on n'est pas au courant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le minimum est qu'on arrête cette personne, qu'on la conseille. On lui dit non, mais attends, on t'a vu, t'as propagé tel truc, etc., sur tel magazine, etc. Comment se fait-il que tu te prends pour un voyant, que tu penses connaître l'invisible, etc. Ceci est de la mécréance, il y a seul Allah tabaraka wa ta'ala qui connaît toutes choses. On n'est pas capable de faire ça. C'est de l'extrémisme, le fait de conseiller une personne de délaisser la mécréance. C'est de l'extrémisme aujourd'hui. Il faut que les gens arrêtent de dormir. Arrêtez de dormir. On est là, tranquille, il est là, il prie à côté de toi. Et comme si de rien n'était. Ça se trouve, il a tué 57 personnes. Ah, dit, on n'en a rien à faire. Tant qu'il ne m'a pas ensorcelé moi, je suis bien. Tant qu'il ne m'a pas fait de mal à moi, je suis bien. Par contre, le jour où il fait du mal à une personne de notre famille, ah, là, on a les nerfs. Là, on est énervé. Pourquoi? Parce qu'on a plus de jalousie pour nos propres personnes que pour la religion d'Allah. Elle est là, la maladie. On a plus de jalousie pour nos propres personnes que pour la religion d'Allah. Elle est là, la maladie qui touche beaucoup qui s'affilient à la religion musulmane, beaucoup de personnes musulmanes. Et c'est ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un très gros problème. Lorsqu'une personne va s'attaquer à nos familles, va s'attaquer à nous-mêmes, on va s'énerver, etc. Mais lorsqu'une personne s'énerve et montre la gravité de la sorcellerie, ils vont dire « Ah, il n'est pas sage. Oh là là, quel manque de sagesse. Oh là là, regarde, il est énervé dans la mosquée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » Barakallahu fikoum. Il est important de comprendre la religion comme il se doit. Il est important de lire les paroles des imams, les quatre grandes écoles qui voient que ceci est de la mécréance. Et donc ce que nous devons faire, barakallahu fikoum, c'est conseiller. On n'a pas demandé d'agresser quiconque. Ce que je dis, c'est que nous devons conseiller et persister dans le conseil. Continuer et ne pas laisser les gens comme cela dans l'obscurité. Voilà ce que nous devons faire. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on reprend la semaine prochaine, bi'idhnillah ta'ala, toujours dans le sujet de la sorcellerie. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.